Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Raspoutine, guérisseur, homme à femme et conseiller à la cour de Russie. Les Russes, ils ont besoin de croire en quelque chose, alors que les Français ont un esprit critique très développé. Et les Russes ont une crédulité très développée, une naïveté très développée. Et c'est pour ça que je dis que Raspoutine n'aurait pas pu exister ailleurs qu'en Russie. L'écrivain est membre de l'Académie française Henri Troya, l'émission Parole de star en 1997. Vous l'avez entendu, pour Henri Troya, la figure de Raspoutine correspond parfaitement à la culture et à l'âme russe. L'histoire et le destin de Raspoutine seront également étroitement associés à l'histoire de la Russie pré-révolutionnaire et de la chute de la maison des Romanov. Mais l'histoire de Raspoutine, c'est aussi le récit de la vie d'un homme hors du commun, un homme à qui l'on prête des dons de guérisseur, un homme qui aurait eu un appétit sexuel insatiable, un homme enfin qui réussira à devenir conseiller à la cour de Russie. Si Dieu nous a fait comme nous sommes, ce n'est pas un hasard. Se repentir, mes frères, c'est redevenir un petit enfant dans les bras du Seigneur. Toi, tu seras un grand tsar. Un médecin, dépêchez-vous, allez chercher un médecin! Un grand tsar, très très fort. Parce que tu sauras que la vie a un prix. Qui êtes-vous? Il s'appelle Grigori Efimovitch Raspoutine. Vous faites de véritables miracles. Notre ami est un ouvrier de Dieu. Tu en es convaincu maintenant, j'espère. Grigori Raspoutine! Le tsar se laisse gouverner par sa femme, mais derrière elle. Il y a ce Moujik. Disons qu'il profite de sa faiblesse. Il pleut du bonheur. Pourquoi tu le méprises tant? Parce que cet homme n'est rien de plus qu'un débauché. Extrait de la bande-annonce du téléfilm Raspoutine, réalisé par José Dayan en 2011 et mettant en vedette, vous l'avez peut-être reconnu, Gérard Depardieu, pour nous raconter la vie de ce personnage plus grand que nature qu'est Raspoutine. L'historien André Champagne, collaborateur régulier à l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. André Champagne, pourquoi une émission sur Raspoutine? En quoi est-il un personnage intéressant sur le plan historique, André? Ben, il est symptomatique du déclin avancé de la dynastie des Romanov. Le simple fait qu'il se soit insinué auprès de la tsarine et du tsar, c'est très révélateur de l'état vraiment de décadence. On sent venir par lui. On sent venir la fin. On sent venir la fin. Ouais. Effectivement, la Russie est engagée dans la Première Guerre mondiale depuis août 1914. Le tsar était un homme littéralement dépassé. Il essaie de prendre la direction de l'armée à partir de la fin de l'été de 1915. Le haut commandement est complètement dépassé. La Russie est un pays déboussolé. Et je veux revenir à la réflexion qu'a fait Henri Troya. Henri Troya, qui est russe d'origine, qui est un grand romancier, qui est un grand historien de la Russie. Oui. Quand il dit que les Russes ont une propension à la naïveté, ont une propension à croire à des espèces de prophètes, de devins de la trempe de Raspoutine, c'est très juste. Oui. Et la preuve en est que jusqu'à la révolution de 1905, dans la population russe, chez les moudjiks, chez les paysans, qui composaient près de 90% de la population russe, était ancrée cette idée que le tsar, c'était le petit père, que le tsar, c'était un homme foncièrement bon qui avait à cœur vraiment le bien-être de sa population. Ouais. Et il a fallu le dimanche rouge de janvier 1905 pour que soudainement cette image s'estompe complètement. Mais pendant des siècles, c'est l'image qu'on a entretenue de la bonté du tsar. On veut croire à ces figures, à ces grandes figures. Exactement. Ouais. Exactement. Et quelque part, on peut comprendre qu'émerge un phénomène comme Raspoutine. Ouais. Alors, ben, parlons-en de Raspoutine, de ses origines d'abord. Il naît en Sibérie. En Sibérie. Fils de paysan. Le 10 janvier 1869 à Porokovskoye, en Sibérie. Ses parents étaient des paysans relativement aisés. On sait très peu de choses sur ses premières décennies, si ce n'est que il était considéré comme ce qu'on appelle communément dans les milieux ruraux un coq de village. C'est un vantard, c'est un homme qui avait un certain don de la parole, qui s'est fait remarquer pour ses aventures amoureuses. Il avait une propension déjà à séduire les voisines. Et autour de la vingtaine, il a été impliqué dans une affaire de vol de piquets de clôture. Conséquemment, pour se faire pardonner ce vol, il a tout simplement décidé de faire un pèlerinage. Et en faisant son pèlerinage, il a découvert qu'il avait un certain goût pour l'errance. Et il y avait, dans la tradition russe, il y avait ces espèces de moines errants qui circulaient de village en village, de région en région, et qui, s'ils avaient un certain don de la parole, pouvaient devenir des prédicateurs. Et il va se faire remarquer au monastère de Verkhotovrye par le Starets Makar, qui est une espèce de guide spirituel, qui remarque chez Raspoutine un certain don de la parole, un certain don oratoire, et qui est fasciné, comme beaucoup de gens le seront, par son regard. Parce que Raspoutine, tous les témoignages concordent, et quand on regarde des photos du personnage, on est fasciné, on est capté par ses yeux, par son regard profond, qui... Décrivez-nous-le, André, parce que ça vaut la peine quand même, l'allure du personnage. Alors, c'est un homme qui est grand, plutôt mince, qui a les cheveux très longs, avec une barbe très fournie, un regard perçant, qui portait toujours une espèce de blouse blanche attachée avec un ceinturon, des pantalons bouffants, puis des longues bottes de cuir. Beaucoup d'observateurs ont déploré le fait qu'il ne se lavait pas très souvent et qu'il dégageait une certaine odeur. Et c'est un homme qui projetait cette image d'homme du peuple. Mais avec un magnétisme et avec le regard. Et aussi, il avait un don apparemment de voyance, qu'il avait le don de prévoir l'avenir. Ouais. Et dans certains cas, ce sera tout à fait vrai. Certaines de ses prédictions vont se vérifier, on va en parler tantôt, notamment quand la guerre est déclarée en 1914. Il a écrit ceci. C'est une lettre qu'il écrit au tsar Nicolas II. Je te le répète une fois encore. Un nuage menaçant s'étend sur la Russie. Malheur, souffrances innombrables. Il fait sombre et l'on ne voit pas d'éclaircie. Une mer de larmes, mer sans limite. Quant au sang, que dirais-je? Je ne trouve pas de mots. L'horreur est indescriptible. Je sais que tous veulent de toi la guerre, probablement sans comprendre que c'est pour notre perdition. Lourde est la punition divine quand Dieu nous enlève la raison. C'est alors le commencement de la fin. Tu es le tsar, le père du peuple. Ne laisse pas les insensés triompher et se perdre eux-mêmes, ainsi que le peuple. On vaincra l'Allemagne et la Russie. En vérité, il n'y eut jamais depuis le commencement des siècles une martyre plus grande. Elle est toute submergée de sang. Immense est sa perdition, sans fin la tristesse. Donc, il implore le tsar de ne pas impliquer la Russie dans le conflit, parce que pour lui, ça va entraîner le malheur. Et c'est il faut avoir à l'esprit que c'est un homme qui, à toute fin pratique, là, qui ne connaît pas vraiment la politique, qui ne connaît pas les relations internationales, mais c'est ce qu'il sent. Et une des raisons pour lesquelles il a tellement fasciné, c'est qu'on voyait chez lui le bon sens populaire. Ouais. Et ce qui peut expliquer également l'impact qu'il aura sur la cour, c'est que Alexandra, l'épouse de Nicolas II, c'est une princesse allemande qui ne s'est jamais sentie acceptée à la cour de Russie, qui a toujours été vue comme l'étrangère, comme l'Allemande, et qui se sentait rejetée, et qui, elle, croyait, elle avait un côté profondément mystique, et elle s'était mis dans la tête l'idée que Dieu allait lui envoyer, à elle et à son mari, un homme du peuple qui allait les protéger, elle, son mari, et la dynastie des Romanov et leurs enfants. Et quand elle rencontre Raspoutine, pour elle, c'est clair, c'est cet homme envoyé de Dieu qu'elle a toujours imaginé. On y revient donc à cette volonté de croire en quelque chose de supérieur dans cette culture et cette âme russe, parce qu'effectivement, il va se redouer, Raspoutine, proche conseiller du tsar et de la tsarine. La façon dont il y arrive, André, c'est en entrant dans cette fameuse cour de Russie. Et là, on revient un petit peu en arrière. On a vu un peu qui était le jeune Raspoutine. C'est autour de... Il arrive à Saint-Pétersbourg en 1903. C'est en 1905 que ça se passe. Oui. Comment en arrive-t-il à accéder à la tsarine, au tsar? C'est parce que... Donc, Saint-Pétersbourg en 1903, il a ses entrées dans les salons. Il fascine les dames de la noblesse, particulièrement. Et il y a cette dame, la grande duchesse Militia, qui est l'épouse du grand-duc Pierre, cousin germain du tsar Alexandre III, donc le père de Nicolas II, qui introduit Raspoutine au couple impérial le 1er novembre 1905. Et puis, dès la première rencontre, il tutoie Nicolas II et son épouse. Et écoutez ce qu'écrit Nicolas II dans son journal. Alors, il consigne ceci. « Nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu nommé Grigori du gouvernement de Tobolsk. » Un homme de Dieu. Ouais. Parce que le tsar également est fasciné par le personnage. Son épouse, elle est plus que fascinée. Ouais. Elle est littéralement envoûtée, ouais, étant donné son état d'esprit. Et assez rapidement, il va gagner la confiance non seulement du tsar et de la tsarine, mais de la famille, oui, impériale. Et puis il y aura cet événement important en 1907 qui, au fond, marque un petit peu le début de sa légende. Qu'est-ce qui se passe en 1907, André Champagne? En 1907, c'est que le tsarévitch Alexis est hémophile. Donc, il était sujet à des crises assez régulières et les médecins de l'époque lui prescrivaient de l'aspirine. Et en octobre 1907, on croit qu'il est à l'article de la mort. Et en désespoir de cause, Alexandra, la tsarine, lui, à la suggestion d'une des dames de la cour, se dit « on n'a plus rien à perdre ». Si le Raspoutine se rend au chevet du tsarévitch, il pourra peut-être l'apaiser. Parce qu'on lui, on le dit guérisseur. On le dit guérisseur. Alors, c'est le miracle, si on veut appeler ça un, ouais, miracle, se produit. Mais en réalité, le rapport entre Raspoutine, le tsarévitch et Alexandra Samin, c'est un rapport assez particulier. Ouais. Il avait une propension à les calmer. Exact. Et justement, on écoute Henri Troyat à ce sujet parler de tout ça à Minou Petrovski, qui défait un peu le mythe, au fond. Est-ce qu'il est vraiment guérisseur? En tout cas, oui, il a une présence bénéfique auprès, d'abord et avant tout, de la tsarine, extrait de l'émission Parole de Star en 1997. Il avait un certain magnétisme, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir d'apaiser moralement les gens. Et il se trouvait que quand il était en présence du petit et de sa mère, surtout, mmh, il émanait de lui une sorte de calme, de sérénité, de certitude, et que la tsarine se calmait. Et que, le calme étant revenu autour de l'enfant, l'hémophilie de l'enfant s'apaisait. Si vous voulez, le moral agissait sur le physique. Et eh bien, l'enfant était soulagé pendant quelques moments parce que l'éternel énervement, l'éternelle angoisse de sa mère faisait que son mal empirait au lieu de régresser. Et pas de miracle, donc, André Champagne, mais présence bénéfique. Puis il faut dire que le personnage de la tsarine Alexandra, c'est quelque chose. C'est une mystique. C'est une dame qui croit à l'ésotérisme, qui se sent rejetée par la, ouais, par la cour de Russie et qui aura une propension à isoler la famille impériale de la cour et du peuple. Ils vont passer tout leur temps dans les différents palais. Ils vont mener une vie de famille. Conséquemment, elle et lui ne sauront pas vraiment ce qui se passe en Russie. Et elle, ses lectures sont des lectures principalement à caractère, mmh, spirituel. Ouais. Elle est fascinée par, justement, la mystique russe et par ce phénomène de moine errant. Ouais. Et elle est convaincue que Raspoutine est un envoyé de Dieu. Et cette conviction est renforcée à l'été 1912 quand le tsarévitch est à nouveau confronté à une crise d'hémophilie puis à la mort. Et ce qui est étonnant, c'est que Raspoutine est retourné chez lui en Sibérie. Alors, écoutez ceci. Les médecins sont impuissants tellement que le 10 octobre, Alexis reçoit les derniers sacrements. Anna Viroubova, dame de compagnie de la tsarine, télégraphie à Raspoutine. À son tour, il télégraphie à la tsarine et il dit ceci. La maladie n'est pas aussi grave qu'il semble. Que les médecins ne le fassent pas souffrir. Le lendemain, la fièvre tombe et l'hématome commence à se résorber. Mmh. À distance, il parvient à calmer la crise d'hémophilie, à calmer la tsarine. Et à partir de ce moment-là, sa conviction que Rasputin est un envoyé de Dieu est renforcée. Et désormais, elle va l'écouter non seulement en ce qui concerne les questions d'ordre spirituel, ouais, mais aussi les questions d'ordre politique. Et ça, ça contribuera à la chute du régime. Ouais. Bon, il est deux guérisons à son actif, 1907-1912, et déjà après la première de 1907, il devient un personnage très, très populaire, très en vue. Et c'est là, André Champagne, qu'il va en profiter pour se livrer vraiment à une vie de débauche. Oui, mais là, il faut expliquer cette vie de débauche. Il faut expliquer sa conception du péché, sa conception du mal. Alors, écoutez ceci. Pour parvenir au salut, il faut avoir été pardonné. Pour être pardonné, il faut se repentir. Pour se repentir, il faut céder à la tentation. Rasputin entendait uniquement celle de la chair. Pas de pénitence sans péché. Rasputin enseignait à ses disciples la pureté en leur montrant l'abjection du péché. Et il expliquait aux femmes qui recueillaient cet enseignement qu'elles pouvaient tout faire avec lui. Dieu lui avait confié la mission de leur révéler la laideur du péché. Ça, c'est tiré du livre Rasputin d'Yves Ternon. Il était un adepte de ce qu'on appelle la secte des Clisties. Les Clisties, c'était des mystiques qui s'adonnaient justement à la luxure, qui s'adonnaient à la débauche et qui disaient « Nous allons tellement loin dans le péché de la chair que nous allons aboutir au bien, parce que en s'abandonnant dans les affres du péché de la chair, inévitablement, nous allons éventuellement nous repentir et mettre un terme à cette vie de débauche. C'est assez incroyable. Et c'est le rapport de... Et quelque part, dans l'aristocratie russe, dans les milieux de la cour, effectivement, tous les témoignages de l'époque concordent, c'était un milieu où, effectivement, un peu comme à la cour de Versailles avant la Révolution de 1789, il y a un parallèle qu'on pourrait faire, il y avait vraiment une espèce de climat de décadence morale, si on veut appeler ça de la morale, mais c'était l'esprit qui régnait dans l'entourage, dans la cour de Russie. Bon. Climat de décadence, mais en même temps, ça va déranger ces mœurs de Rasputin. L'influence aussi qu'il gagne, il est de plus en plus proche du tsar et de la tsarine. Il va y avoir une campagne de salissage, toutes sortes de rumeurs autour de Rasputin, rumeurs parfois à connotation sexuelle qui vont même impliquer la tsarine et ses filles. Il dérange à cause de ses mœurs, à cause du pouvoir, encore une fois, quel pouvoir a-t-il réellement auprès du tsar et de la tsarine? Comment expliquer cette confiance que lui accordent Nicolas II et Alexandra? On écoute l'historien Yves Ternon à l'émission Au fil du temps en 1991. Quand on étudie Rasputin, on s'aperçoit qu'il n'est qu'une pièce rapportée à l'histoire, qui est celle avant tout du couple impérial. Bon, Nicolas II est l'autocrate et l'impératrice Alexandra est un étrange personnage qui cède à un vertige mystique. Et c'est là tout le nœud de l'affaire Rasputin. Ce mysticisme, il est tout le temps à la cour de Russie depuis un siècle. Tous les tsars ont cédé à ce penchant. Mais il y a un plus avec la femme de Nicolas II, avec Alexandra. Elle baigne dedans et, justement, l'élément clé, la maladie du petit Tsarevitch, c'est-à-dire de l'héritier du trône, cet enfant tant attendu, cet enfant quasiment du miracle, si on peut dire, et sa mort quasi certaine devant la rapidité de l'évolution de la maladie, rend la présence de Rasputin d'intéressante, absolument indispensable. Ah, c'est intéressant, André Champagne, parce qu'on comprend avec cet extrait que le pouvoir de Rasputin, il est à la fois, il puise ses origines dans cette dimension culturelle propre à la Russie, mais il est aussi très circonstanciel. Dans les faits, quel pouvoir a-t-il réellement et auprès de qui a-t-il le plus de pouvoir? Il fait des recommandations au tsar et à la tsarine à propos des nominations politiques. La nomination. Donc un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir. Donc, les ministres qui se méfient de lui, qui pourraient parler contre lui, alors il recommande à Alexandra de les écarter. Et étant donné que depuis l'été 1915, le tsar est sur le front, tout le pouvoir reste aux mains de la tsarine. Donc, étant conseillé par Rasputin, il y a lieu de s'inquiéter. Et ce qui se produit, c'est ceci, c'est que la Russie enregistre les défaites, 1914, 1915, 1916. La tsarine est d'origine allemande, donc se répand dans la cour l'idée qu'elle serait probablement une agente du gouvernement allemand et qu'elle chercherait à négocier un accord de paix séparé avec Berlin. Conséquemment, l'idée vient, dans l'entourage de Nicolas II, de l'éliminer. C'est-à-dire de l'écarter du pouvoir, d'écarter Nicolas II du pouvoir, de nommer un de ses frères à la place. Mais dans un premier temps, il est impératif de liquider, d'assassiner. Et ce sera fait, et l'un des personnages clés autour de cet assassinat, c'est le prince Félix Youssoupov. Prince Félix Youssoupov, vous avez tué Rasputin. Oui. Quel âge avez-vous, prince? Près de 80. Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Rasputin? 29. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Aviez-vous un intérêt personnel au meurtre de Rasputin? Aucun. Prince, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui. Toute votre vie, vous avez refusé que l'on réalise des films sur votre histoire. Les films que l'on a fait sur Rasputin l'ont été sans votre aveu. Et pourtant, pour la première fois, vous autorisez notre film. Et pour la première fois, vous paraissez devant les caméras. Prince Youssoupov, pourquoi? Parce que les autres films ne racontaient pas la vraie histoire. Extrait du film « J'ai tué Rasputin » de Robert Hossein en 1967. On y entend l'historien, le scénariste du film, Alain Decaux, interviewer Félix Youssoupov. André Champagne, il sera assassiné. Félix Youssoupov va organiser l'assassinat de Rasputin. Ça va se passer comment? Ça va se passer dans la résidence, au palais du prince Youssoupov, en présence du grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui est le neveu du tsar. Il y aura également un député de la Douma, Porushkevitch, et les cinq conspirateurs vont simplement inviter Rasputin en lui faisant miroiter qu'il pourra probablement rencontrer l'épouse du prince Youssoupov, qui était considérée comme une des plus belles dames, des plus belles femmes en Russie. Et on va le prince Youssoupov va l'inviter à descendre au sous-sol. On va lui faire manger des gâteaux empoisonnés au cyanure. On va lui faire boire du vin de Madère empoisonné au cyanure. Il en consomme une quantité quand même assez phénoménale. Et une heure après, il n'est toujours pas mort. Conséquemment, le prince Youssoupov et ses complices sont obligés de l'assassiner en lui tirant des balles dans la tête, dans le corps. Finalement, on va rejeter le cadavre dans la Neva et il sera découvert par la police quelques jours plus tard, en fait le lendemain. Et puis, étant donné que c'est le prince Youssoupov et un neveu du tsar qui ont participé au complot, il n'y aura pas vraiment de poursuite, étant donné qu'on ne veut pas entacher la réputation de la famille impériale. Et de toute façon, trois mois après, le régime est balayé par la révolution. Aujourd'hui, André Champagne, qu'est-ce qui reste de Rasputin dans l'imaginaire russe? Assez étrangement, depuis la chute du régime communiste en 1991 et une certaine réhabilitation du tsar Nicolas II, il a retrouvé une certaine faveur populaire. Pourquoi? Parce qu'il incarne justement cette espèce de retour du religieux qui est très fort depuis la chute du régime. Et quelque part, il est emblématique de cette religion populaire, de cette spiritualité à laquelle encore une partie de la population russe s'identifie. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.